J'fume que des Perseus du meilleur hashish. J'bois que du pétrus et pas de pastis. J'plane comme un Airbus dans la matrice. Versace, Méduse, rien de factice. J'tise ma toile comme Miles Morales. J'veux la maille de Mohamed, puis j'me taille au Maghreb. J'brûle le mic, grosse tapette, design cauchemardesque. J'cisaille, grosse sale tête, j'fume du dry trop balèze. J'tise ma toile comme Miles Morales. J'veux la maille de Mohamed, puis j'me taille au Maghreb. J'brûle le mic, grosse tapette, design cauchemardesque. J'cisaille, grosse sale tête, j'fume du dry trop balèze. Du feu dans la bouche, je rappe pas normalement. On me traîne dans la boue, maintenant c'est plus comme avant. Elle veut que je la fourre sauvagement et cordialement. Survie tous les jours, j'évite les cornes, ça attend. N'ai aucun doute, elle est trop forte, ma bande. Plus rien à foutre, je gère l'offre, la demande. Je suis sur la route, dans une énorme allemande. J'éjacule sur ses yeux en forme d'amande. Splash. Je fais du sale, ouais, que comme ça que j'banque. Elle me suit direct que quand je sorte la banque. Je transporte une importante somme d'argent. Yes. Je fais mon boulot et je passe de bonnes vacances. Bonnes vacances. Mais je peux pas laisser mon poste vacant. De moi y'a personne qui se porte garant. Je sens une lame couper ma pomme d'Adam. Les poils pubiens en guise de brosse à dents. J'tisse ma toile comme Miles Morales. J'veux la maille de Mohamed, puis j'me taille au Maghreb. J'brûle le mic, grosse tapette, design cauchemardesque. J'cisaille, grosse sale tête, j'fume du dry trop balèze. Bon, j'ai mes refrains à tes go. À peine dans le game et j'refais la déco. Al Capote, Lim, Stradolnay, ça découpe style japonais. Gratter des rimes, ça me connaît. Un de ces castings de chapardeur qui vise le max de stream à chaque quart d'heure. Dans la street, quelques rabatteurs. À la moindre erreur, on ne fera pas de fleurs. Elle m'envoie des nudes, aime pas son adresse. Elle ne s'adresse à moi que par son altesse. Où je sais, je fume le camas aux toilettes. Faut que je tisse ma toile comme Miles Morales. Ils trouvent nos lyrics trop vulgaires. J'en ai rien à foutre leur musique populaire. En notre présence, toutes ces biches copulaires. J'suis sur orbite, j'porte des binocles lunaires. J'tisse ma toile comme Miles Morales. J'veux la maille de Mohamed, puis j'me taille au Maghreb. J'brûle le mic, grosse tapette, design cauchemardesque. J'cisaille, grosse sale tête, j'fume du dry, trop à l'aise. J'ai essayé ta veste car elle m'allait. Je te l'ai pas rendu, t'as capté le manège. Tu crois que t'es au contrôle, on garde les manettes. J'ai survécu grâce au vol comme Gad Elmaleh. ASP, je le fais pour les pincos. Sous Biaf, ça se tape comme à Édimbourg. Donnez-nous l'or et les lingots. Ça fait longtemps qu'on paiera comme des dingos. Si t'aimes les défis coquins, les mecs cool pas les typotins. Les stories et les petits potins, je serai ton dernier petit copain. Tu t'absentes, un coup, mais une option sur ta chambre. Tu sors 100 mètres de crème, ça joue au morpion sur ta jambe. Tu viens de je sais pas d'où et tu racontes je sais pas quoi. J'fume que du filtré x3, j'adore le shit une fois gras. J'fais de la musique et pas de toi, j'tisse ma toile comme Tomb Raider. Sushi dans mon grinder, sushi dans mon rider. J'tisse ma toile comme Miles Morales. J'veux la maille de Mohamed, puis j'me taille au Maghreb. J'brûle le mic, grosse tapette, design cauchemardesque. J'cisaille, grosse sale tête, j'fume du dry trop balèze. J'tisse ma toile comme Miles Morales. J'veux la maille de Mohamed, puis j'me taille au Maghreb. J'brûle le mic, grosse tapette, design cauchemardesque. J'cisaille, grosse sale tête, j'fume du dry trop balèze.